بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق. Alors on s'était arrêté la dernière fois dans Kitab al-Adhkar de l'imam al-Nawawi. Kitab al-Adhkar de l'imam al-Nawawi. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous entendez pas là, je sais pas est-ce que j'entends mieux et est-ce que tout le monde entend bien. Alors dernièrement on avait vu sur les invocations. Donc ça, c'est un livre d'évocation. Où j'ai expliqué le mot invocation, c'est un mot spécifique, et l'évocation, c'est un mot général. Ça veut dire que l'invocation rentre dans l'évocation, parce que l'évocation, d'une manière générale, c'est tout ce qui est ibada. Et toutes les ibadat, quelque part, c'est une invocation. À travers ces ibada, on demande quelque chose. D'accord. Donc, toutes les invocations qu'on a vues jusqu'à maintenant, il y a certaines qui ont été recensées et compilées dans un livre qui s'appelle Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman, Cheikh al-Qahtani, et qui a forcément tiré de ces livres-là. L'imam al-Nawawi, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un contemporain, c'est un ancien, connu et reconnu pour sa science. Et il avait écrit donc ce livre-là, bien d'autres aussi, mais en tous les cas, ce livre sur l'évocation, et c'est un des livres les plus connus et réputés dans le domaine. Donc, on avait vu pas mal d'invocations. La dernière invocation qu'on avait vue, c'était qu'est-ce qu'on doit faire ou pas dans une mosquée. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu dans le cours dernier ou pas? Lire le Coran, on ne doit pas marchander ou commercer plutôt, mais c'est à peu près, enfin, c'est ça. Et on doit faire, on va dire, tout ce qui est invoqué, voilà, faire des invocations, les sciences religieuses aussi, tout ce qui est relatif aux sciences, ouais, voilà, la science, d'une manière générale, et voilà. Et non pas comme aujourd'hui, bon, ouais, je passe, parce que, voilà. Bref. Alors, là, maintenant, on va voir le chapitre suivant, qui est « Babu Fadilati Al-Adhan », le chapitre sur... les bienfaits de l'adhan. L'adhan, c'est l'appel à la prière. Donc le cheikh, il a commencé par رواينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. Donc le compagnon Abu Hurayra radiallahu anhu a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: si les gens savaient le bien qu'il y a dans l'appel à la prière, c'est-à-dire le bien pour les gens dans le fait d'entendre l'appel à la prière et de se trouver ou d'être dans les premiers rangs, et qu'ils ne trouvaient pour ceci que le fait de le tirage au sort, c'est-à-dire pour être dans les premiers rangs, c'est ce qu'ils auraient fait. Du fait du bienfait ou des bienfaits qu'il y a dans l'Aden et dans les premiers rangs. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا, il était aussi rapporté de Abu Huraira رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرة حتى لا يسمع تأذين. رواه البخاري ومسلم. إذا نودي للصلاة, lorsque l'appel de la prière est fait, الشيطان, il se bouche les oreilles et il fuit jusqu'à ce que l'appel cesse et il revient. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. معاوية رضي الله عنه a rapporté qu'il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire المؤذنون, ceux qui font l'appel à la prière, ils auront, ou ceux qui font l'appel à la prière le jour du jugement, ils auront un coup, enfin ils auront les coups les plus longs, c'est-à-dire ils se démarqueront des autres par le fait qu'ils faisaient l'appel à la prière. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. Personne n'entendra, ou il n'y a pas une personne qui n'entendra l'appel à la prière parmi les djinns, ولا شيء et autres. Autre que les djinns, il la shahid alahu, s'il ne soit témoin pour lui et le jour du jugement. Wal-ahadithu fi fadlihi kathiratun, wakhtalafa ashabuna fi al-adani wal-iqama ayyuhuma afdal ala arba'ati awjuh. Wal-ahadithu fi fadlihi kathir. Les hadiths concernant الأذان إلى قماء سنمبر واختلف أصحابنا إنو كمبانيون. Donc quand l'imam al-Nawawi il parle des compagnons, il parle des compagnons dans le domaine de la science du hadith, c'est-à-dire ceux qui sont savants dans le domaine. Ils disent qu'ils divergent du fait de l'Adhan et les Qama, lequel des deux est meilleur, c'est-à-dire elle a plus de récompenses ou de bienfaits. Et cette divergence, ou du moins cette différence d'opinion, il se divise en quatre catégories. Al-Asah, an al-Adhan afdal. Le premier avis, c'est que l'Adhan, c'est l'Adhan qui est meilleur. Wa-Thani al-Iqama. Le deuxième avis, des savants dans du hadith qui disent que c'est l'iqama le meilleur. Le troisième, wa-thalithu huma sawa. Le troisième avis, c'est qu'ils disent que les deux sont égaux d'un point de vue récompense et bienfait. Wa-rabi'u inna ilma min nafsihi al-qiyam bi-huquq al-imamati wa-istijma' khasaliha fa hiya afdal wa illa fal-adhan afdal. إن علم من نفسه القيام بحقوق الإقامة واستجمع خصالها فهي أفضل. Si la personne est consciente et connaît la valeur de l'adhan et l'imama, et le fait d'être devant l'imam, c'est mieux d'un point de vue compréhension. Wa illa fal adhan afdal, et sinon c'est juste l'adhan, ou l'adhan est bien meilleur. Donc là le sujet c'est concernant l'adhan et le fait de voir ses bienfaits, de connaître ses bienfaits, ça doit pousser le musulman à essayer, bien sûr, le moment quand c'est le moment de la prière, qu'il essaye de se libérer et de pouvoir se diriger à la mosquée pour profiter de cet appel-là et de ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'après, entre l'adhan et l'iqama, c'est un moment où Allah exauce les du'as. Il y a différentes catégories comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a des moments où Allah exauce l'invocation, du moins il est très très proche de celui qui l'invoque. Et entre autres, il y a l'adhan et l'iqama. Donc il y a la première, c'est pas dans l'ordre chronologique, le moment où on est le plus proche d'Allah, où il nous invoque, où il nous exauce plutôt, c'est au moment de la prosternation, c'est au moment, dans le dernier tiers de la nuit. Donc c'est le dernier moment de la nuit. On a aussi bayn al-adhan wa l'iqama, donc entre l'adhan et l'iqama. Et on a aussi dans d'autres situations, mais ces situations-là sont beaucoup plus comment s'appelle relatées et qui a des avis beaucoup plus forts. Mais sinon, on a aussi au moment du voyage, ad-du'a al-musafir mustajab, l'invocation du voyageur est exaucée. Il y a effectivement lorsqu'il y a la pluie. Il y a aussi pendant l'heure de l'Jumu'ah, il y a un moment où Allah il exauce les invocations. Donc en fait, pourquoi c'est un bienfait? Parce qu'en fait, on est très très proche d'Allah et on est à un moment où justement on répond à l'appel d'Allah, comme Allah dit dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أو vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah vers ce qui vous fait revivre ou vivre. D'accord. Et voilà. Donc le bienfait qu'il y a entre l'Aden et l'Iqama, ou du moins là on était plus sur l'Aden. Donc l'Aden, c'est un moment où le croyant il se renforce et il augmente son iman, sa foi, parce qu'il est dans un moment d'adoration et que normalement juste après on doit faire des invocations, c'est-à-dire qu'on doit réciter exactement la même chose que l'imam, que le muaddin, le celui qui fait l'appel à la prière, on doit répéter exactement la même chose que lui. Entre l'asr et le maghrib, non, entre l'asr et le maghrib, non, c'est pas un moment où c'est exaucé. Bien au contraire, généralement entre l'Asr et le Maghrib, c'est un moment où on doit éviter de faire certaines adorations, surtout quand c'est des adorations qui n'ont pas de cause réelle. D'accord, bien sûr, on fait faire du dhikr et des choses comme ça, oui, mais c'est pas un moment spécifique. On sait que justement normalement entre l'Asr et le Maghrib, on n'est pas censé faire des rak'at en plus et ainsi de suite. Bon. Non, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, on le verra sûrement dans Kitab al-Salat, le chapitre de la prière, dans le livre de Fiqh. Et donc là, on est dans les invocations. Donc, entre l'Aden, pour l'Aden, pourquoi c'est un bienfait? Parce que justement, on fait des invocations juste derrière l'imam et le fait de se trouver dans les premiers rangs. Donc, malheureusement, on voit très bien que on n'est pas dans cette démarche. Généralement, on vient à la dernière minute pour faire la prière. Donc, on rate en fait tous les bienfaits qu'il y a avant la prière et après la prière. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là sur ce livre-là. Après, bon, ben, on verra juste après la particularité ou la description plutôt de l'adhan. Le prochain chapitre, ce sera la description de l'adhan, c'est-à-dire comment il est récité, qu'est-ce que le muaddin doit dire, à combien de reprises, et ainsi de suite. Voilà, donc on va faire maintenant al-fiqh, inshallah, et on terminera par al-aqida, inshallah. Alors, al-fiqh, hier on avait fait... c'était sur le chapitre des eaux. Donc là, dans le sens de la remise de fiqh, exactement la purification, le chapitre des eaux, précisément. Et là, on était dans le livre des... En fait, les différents chapitres qui divisent comme les grandes lignes, c'est les livres. Ils appellent ça Kitab al-Tahara, Kitab al-Salat. Et après, il y a Babu al-Mi'a, Babu al-Aniya, Babu, ainsi de suite. Alors, pardon. Alors, je vais vous demander rapidement, quelles sont les trois catégories d'eau. Quelles sont les trois catégories d'eau? Bon, je vois que vous avez pris des notes un peu en catastrophe. Bon, c'est vraiment, faut être précis en fait. Le fiqh, l'aqida ou l'ilm shar'i d'une manière générale, c'est une science très précise. Walhamdulillah. Et comme je l'ai dit, il suffit qu'on change une haraka pour que le sens change carrément. Ou qu'on mette un mad et que le mot change aussi. Donc c'est très très important. Pur dilué, pur. Oui, c'est un peu ça. Dilué, ouais. En tous les cas, les termes, essayez d'apprendre les termes en arabe. Les termes, je vais les reciter. C'est tahourun, je vais les marquer, tahourun, qui est pur. Donc le premier, c'est tahourun, ça veut dire pur, ou qui est resté dans son état originel. Après, on a des exemples. Effectivement, il y a l'eau de la pluie, il y a sa neige. Enfin, tout ce qui descend du ciel. Après, on a tout ce qui est mer, océan, rivière, lac, cours d'eau, ainsi de suite. Tout ce qui, en fait, qui n'est pas de l'eau stagnante. D'accord? Donc ça, c'est pour le pur. Ensuite, on a l'eau de la mer, oui, tout ce qui est toutes les mers, une mer. Ouais, toutes les mers et les océans. Peu importe. Nous, encore une fois, on va pas. Et ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué, je pense, c'est que dans l'ilm shar'i, dans la science religieuse ou légiférée, notre aql, notre esprit, notre cerveau, il ne précède pas les textes. D'accord? Le texte, il est comme ça, on l'applique et on l'utilise tel quel. Si il n'a pas été développé par les compagnons et par les sahabas et par ceux qui sont venus après, on s'arrête où ils se sont arrêtés. C'est-à-dire que c'est pur, peu importe, il y a des endroits, ça veut dire, comme par exemple pour la mer et les océans, c'est salé, et ainsi de suite. Peu importe. Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'elle est pure, elle est pure. Pure pourquoi? Pour les ablutions. D'accord? Parce qu'elle est restée dans son état originel. Elle n'a pas été changée. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le Kutub al-Fiqh. C'est qu'en fait, on ne réfléchit pas. Les textes, ils sont là. Maintenant, on doit adapter notre réflexion et notre compréhension, notre méthodologie d'approche en fonction des textes. Et on s'arrête où ils se sont arrêtés ou où il est demandé de s'arrêter. Et c'est tout, on cherche pas plus. Et c'est ça la science, en fait. C'est la science d'Allah. Donc, pour qu'Allah nous fasse part de sa science, il faut qu'on sache respecter, en fait, les moments où, enfin, on peut utiliser notre aql et les moments où on ne doit pas l'utiliser parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir une bonne méthodologie dans la science. Et en absence de texte, à ce moment-là, l'aql vient prendre, sa place et on va dire que là, à ce moment-là, c'est un qiyas. On sait qu'il y a plus ou moins quatre règles fondamentales ou quatre sources fondamentales dans le fiqh et dans le usul. Le premier, c'est al-kitab, le Qur'an. Deuxième, c'est al-sunna. Troisième, c'est al-ijma'. Quatrième, c'est al-qiyas. Al-qiyas, c'est là où l'aql, à un moment donné, peut intervenir. Parce qu'en fait, on est en absence de texte et l'aql, il va essayer, l'esprit, le cerveau, il va essayer de trouver des textes ou des situations qui sont plus ou moins similaires. D'accord? Mais si c'est pas le cas, on a des textes, l'aql, il a rien à voir là-dedans. Il prend ce qui a été donné, il le pratique, il le transmet. Comme tel. Hadi hiya, tariqatu ahl sunnati wal jama'a. Ça, c'est la voie de les gens de la sunna et de la jama'a. Donc, tahurun. Ensuite, on a tahirun. Ouais, tahirun. Et tahirun, comme on a dit, c'est quelque chose qui a été, on va dire, quelque part, je vais mettre modifié ou ajouté. Je sais pas si c'est un peu clair pour vous. En fait, tahirun, c'est quelque chose qui a été ajouté ou modifié. Transformé aussi, voilà. Donc, on va donner... Vous allez donner quelques exemples de tahirun. Comme ça, alhamdoulilah, on va passer à un autre sujet. Et vous saurez que dorénavant, ce chapitre des eaux, il sera acquis bi'idhnillah. Et si vous vous retrouvez dans une situation X ou Y, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous n'aurez pas besoin de demander à qui que ce soit. Et vous n'aurez pas d'ambiguïté. Ah, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que vous savez, avec preuve à l'appui, il n'y a pas d'autre avis. Exactement. Donc la lessive, le javel, le savon, l'eau de rose, l'eau de la fleur d'oranger, et ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'eau qui a été modifiée. Parce que la base, c'est de l'eau. Tout, comme Allah dit, nous avons fait de l'eau une source de vie de toute chose. C'est-à-dire que l'eau est présente partout. On a besoin automatiquement d'eau pour faire tout. Notre corps est composé d'eau. Voilà. Ok, barakallahu fikoum, vous avez compris. Et le troisième, c'est Najisun. Najisun qui veut dire impur. D'accord. Donc ça, c'est les trois catégories et c'est ce que vous retrouverez dans tous les livres de fiqh. Le cheikh, en l'occurrence, celui-là qu'on est en train de lire le livre, il s'appelle Cheikh Abd Salam Wahid Bali. Cheikh Wahid Ibn Abd Salam Bali. C'est un savant qui est connu, il est réputé, il est reconnu pour son ilm. Il a étudié chez bon nombre de grands savants comme Cheikh Ibn Baz, Al-Uthaymin et d'autres mashayikh, rahimahumullahu ajma'in. Et alhamdoulillah, il fait une grosse da'wa, mashallah, sur en Égypte et il a des pas mal de chaînes sur Telegram et autres où il y a des programmes pour les étudiants en sciences qui sont un peu partout dans le monde. C'est adapté aux gens qui voilà qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer ou de se rendre dans ce pays d'étudier et qui peuvent donc étudier de chez eux. Donc on a vu les trois catégories d'eau. Et vous n'avez pas donné des exemples. Des exemples, une fois de l'écoute. Exactement, c'est ce que j'allais venir justement. Il y a trois catégories ou trois signes qui démontrent que cette eau est impure. Les trois indications, c'est ce que la sœur a donné, c'est où son odeur elle a changé, où son goût a changé, où sa couleur a changé. Et ça, c'est un avis, pas que lui apporte, encore une fois, c'est de l'imam Qal ibn Mundir, l'imam al-Mundir, ibn al-Mundir. Et c'est pas un contemporain, c'est un ancien, et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ijma', le consensus. Donc il a relaté dans ce livre, il a compilé tout le consensus des a'imma fi al-ilm al-shar'i. Donc et de là, il a dit wa ajma'u 'ala anna al-ma' al-qalil wal-kathir idha waqa'at fihi najasatun faghayyarat al-ma' ta'man aw lawnan aw rihan annahu yanjisu ma dama kadhalik. Il a dit, rapporté, le consensus a été rapporté que l'eau en petite quantité et en grande quantité, si elle vient d'être touchée par une impureté, et qui est cette impureté qui lui a fait changer son goût, sa couleur et son odeur, elle devient impure jusqu'à ce qu'elle change d'état. D'accord? Ça veut dire que si cette eau-là, à un moment donné, on va dire qu'elle avait une odeur. Et que deux, trois jours après, pour X ou Y raison, il n'y a plus cette odeur-là. Est-ce que cette eau-là est pure? En fait, elle est pure. Il a dit la condition, le cher. Il a dit que elle peut être altérée par ces trois conditions. Jusqu'à ce qu'elle change d'état. Ça veut dire que si elle change d'état, elle redevient pure. Donc oui, elle était impure. En fait, on prend l'exemple de la Seine ou je sais pas quoi. Elle est traitée, elle est nettoyée, je sais pas quoi. Donc à la base, elle est impure. Mais après traitement, elle devient pure. D'accord. Donc l'eau, elle est impure. Peut-être parce que l'odeur, le goût et la couleur a changé. Mais si, à la suite d'un procédé quelconque, cette eau a été filtrée ou peu importe, ainsi de suite, elle reprend son état, c'est-à-dire elle n'a plus d'odeur, elle n'a plus de couleur, elle n'a plus de goût, ben elle redevient propre. Par exemple, exactement. Voilà. الكن بي والخنزير الراجح من كلام العلماء أنه نجس لا يجوز استعماله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب حيث قال فليرقه. Juste une chose. Bon, on va reprendre. On va continuer. On n'a pas. C'était juste un rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là, comme j'avais dit hier, on allait faire un rappel aujourd'hui. Le ma'oul a dit non. On voit le mois. Nous t'arrivons, on est roulé. Voilà. Bon, on va continuer donc sur le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, donc là on a vu le chapitre des eaux. Et comme je vous l'ai dit, les livres des fuqaha, de fiqh, donc des juristes, dans le domaine du fiqh, il est bien déterminé au chronologique, des chronologiques. Donc là, et on a commencé par le chapitre des eaux, ou de la purification, pourquoi? Parce que avant n'importe quelle adoration, le musulman doit se purifier. Bien sûr, la première des choses, c'est de se purifier de toute forme de fiqh et de kufr, mais ensuite, se purifier pour adorer Allah. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par le chapitre des eaux, et de comprendre et de déterminer les différentes particularités des eaux. Ensuite, cette eau, où est-ce qu'elle va se trouver? Dans un récipient. Donc là, le chapitre, c'est le chapitre des récipients. Taniyan, deuxièmement, babul aniyati. Après, je vais essayer de préparer... حيوانات سواء كانت من السباع أو من غير كالحمار أو غيره الرجعة. Je vais vous compléter en fait un chapitre dans le chapitre des eaux pour aujourd'hui, Inch'Allah. Parce qu'il a rajouté des petites notes en fait. Mais on va essayer d'avancer sur ce chapitre-là. Alors, وفيه خمسة ضوابط. Il a cinq points. الضابط الأول يباح استعمال كل آنية إلا الذهب والفضة. Le premier point, c'est il est autorisé d'utiliser tout récipient sauf les récipients d'or et d'argent. Donc, ces deux matières, le musulman et la musulmane n'ont pas le droit de les utiliser. الضابط الثاني آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. Deuxième point. Les récipients des mécréants. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prédicateurs n'utilisent pas ce terme-là. Ils utilisent un terme beaucoup plus doux. Mais voilà, en tous les cas, on voit bien le décalage qu'il y a entre les livres et de ce que c'est, parce que ce cheikh-là, c'est un contemporain. Inch'Allah, en tous les cas, on a le droit d'utiliser les récipients des mécréants tant que nous savons qu'ils ne l'utilisent pas dans des impuretés, dans des choses ou avec des choses impures. D'accord? On verra des exemples, Inch'Allah. Donc là, en fait, la première partie, c'est toujours, il détermine les points, et ensuite, chaque point, vous allez voir, à force, vous allez avoir l'habitude, chaque point sera détaillé, expliqué, et il y aura des exemples. Bi'idhnillah. Donc le deuxième point, on vient de le citer, et le troisième point, c'est الضابط الثالث عظم المئة الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصفوفها وصوفها وريشها طاهر. أعظم الميتة لزو طب لزو عظمو دي مور enfin de en fait des morts c'est-à-dire des bêtes mortes d'accord les os des bêtes mortes je pense qu'après ils sont travaillés hein, ils peuvent être utilisés comme récipients وقرنها leurs cornes وظفرها leurs ongles وحافرها وشعرها leurs cheveux et leur comment ça s'appelle par exemple voilà exactement parce qu'avant en fait aujourd'hui on a d'autres matières qui permettent d'avoir des récipients avec du plastique rigide ou du verre ou des choses comme ça suite à des technologies ou à des méthodes de trucs avant il y avait peut-être pas autant il y avait pas tout ça mais ils avaient d'autres manières de travailler pour avoir des récipients leurs cheveux charouha ouais c'est leurs cheveux ou leur ouais enfin ils ont pas de cheveux leur fourrure soufouha c'est leur fourrure charouha ça vient de char je sais pas comment on peut le traduire charouha je pense ouais les animaux ils ont pas de cheveux ouais leur poil barakallahu fik n'am leur poil warishouha bah non parce que warishouha il y a écrit aussi warishouha c'est aussi les poils non les plumes warishouha c'est les plumes ouais طاهرون. Donc, c'est transformé. D'accord? C'est pas طاهرون, mais طاهرون. Donc, on a vu que طاهرون, c'est pas طاهرون. On n'a pas les mêmes moudoudes. Donc, c'est modifié. Donc, elle est utilisable. Le quatrième point. جمعو جلود الميتة تطهر بالدباع إلا الكلب والخنزير. جمع جلود la majorité de la peau des peaux de ces animaux est utilisable ou est تطهر est utilisable sauf celle du chien et du cochon. الضابط الخامس يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب واذكر اسم الله عليها عند النوم. يسن il est recommandé ou il est coutume de couvrir les récipients, de couvrir tout récipient et de fermer les portes en invoquant Allah au moment de dormir. C'est-à-dire que le soir, on se doit de couvrir tous ces récipients qu'on a, voilà, et de fermer la porte en invoquant Allah. Alors, qawluhu babul aniya. Là maintenant, ces cinq points plus babul aniya, il va être maintenant détaillé. Qawluhu babul aniya. Bab, qu'est-ce que ça veut dire bab? Est-ce que quelqu'un peut expliquer qu'on voit dans un livre bab, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire porte. Ça veut dire porte, mais concrètement, en fait, dans un livre, dans la science religieuse, quand ils utilisent ces termes, naam, ça veut dire chapitre, mais je vous ai pas demandé réellement la traduction ou le sens. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue shar'i? Naam. Farida. Soukaina aussi pareil. Naam. C'est ça. Babu huwa al-madkhal ila shay. C'est la rentrée ou d'entrée dans un sujet. L'ouverture, le commencement. D'accord? Babu. Babu al-aniya. D'accord? Donc c'est, on l'avait expliqué dans le chapitre d'avant, et ça, il sera pas revu, mais je vais essayer de vous le rappeler dans quelques chapitres, histoire que vous familiarisez. D'accord? Encore une fois, c'est ça le but. Pour que les livres de fiqh ou les livres de ilm shara'i, vous allez voir qu'ils sont à peu près disposés de la même manière. Comme ça, vous n'allez pas être perdu ou vous perdre lors de lecture. Alors, bab, voilà, c'est chapitre. Mais concrètement, ça veut dire l'ouverture, c'est-à-dire le chapitre ou l'entrée en la matière du sujet des récipients, par exemple. Vu que là, c'est le sujet des récipients. L'ANIA, n'oubliez pas de prendre des notes. Babul ANIA, l'ANIA, le mot ANIA, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, récipient. L'ANIA tout. Jem'u ina'in, c'est le pluriel, al-aniyatu, c'est le pluriel de ina'in. Wa huwa al-wa'a'u alladhi yudha'u fihi al-ma'u. Lidhalika dhakaraha al-fuqaha'u ba'da babil mi'ahi. Mi'ahi, mi'ahi. Donc, al-aniya, le récipient, c'est une chose dans lequel on, c'est une chose, c'est une matière, c'est quelque chose dans lequel on introduit quelque chose. Et là, il a dit de l'eau, mais pas que de l'eau. On peut introduire tout, sauf enfin, tout liquide, sauf que là, on parle vraiment, enfin, dans le cadre du sujet, c'est dans de l'eau qui concerne, pour que le croyant se purifie. Donc, le récipient, l'ania, ça veut dire c'est une chose dans laquelle on introduit de l'eau. L'idéalika dhakara, c'est pour ça que les fuqaha, c'est jam'u, c'est le pluriel de faqih. Et faqih, c'est juriste. Et c'est pour ça que les fuqaha ont cité ce chapitre juste après le chapitre des eaux. Parce que dans ce récipient, il y aura de l'eau. Al-aslu fihi al-hillu wal-ibahatu li qawlihi ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Al-aslu fihi al-hillu, la base ou son statut de base du récipient, c'est que il est licite et il est moubah, je sais pas comment on peut expliquer ça. Al-ibaha, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Al-ibaha, c'est comment pourrais-je expliquer ça? Al-ibaha, c'est l'autorisation. Voilà. C'est, en gros, on a le droit. D'accord? Là, la première des choses, c'est que c'est licite et qu'on peut, à la base, utiliser tous ces récipients-là. Et la preuve est dans la parole d'Allah, dans Surat Al-Baqarah, où Allah dit, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a tout, qui vous a créé et assujetti toutes ces choses. قوله يباح. Donc là on a vu le titre, on a expliqué le titre, maintenant on va expliquer وفيه خمسة ضوابط, et il est composé de 5 points. D'accord? Et le premier point c'est يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. Il est autorisé, donc dans ce chapitre on va voir, donc dans ce point là plutôt, يباح. Ça veut dire حكمٌ من الأحكام التكليفية الخمسة وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. Donc, الإباحة, c'est un jugement ou c'est un statut juridique parmi les fondements du fiqh et qui concerne c'est un statut parmi les statuts qui sont au nombre de 5 et qui concerne et qui englobe toutes les règles, voilà, toutes les règles religieuses, et elles sont au nombre de 5. La première des choses, c'est wajibun, l'obligatoire. Deuxième, le mustahab, recommandé. Troisième, le mubah, c'est ce qu'on est en train de voir. Al-ibaha, c'est-à-dire l'autorisation. Quatrième chose, al-makruh, détestable. Et cinquième chose, c'est al-haram. C'est pour ça que des fois, dans des sujets, c'est difficile de répondre parce que, en tant que, pas de moi, mais il y a certains sujets qui sont posés ou des questions qui sont données. Dire ça, c'est haram. Si tu, quand on connaît la science, plus ou moins religieuse, on sait que c'est pas si simple que ça. C'est de déterminer une chose haram, halal, mubaha, ou makruha, ou mustahabba. C'est pas évident. On doit le déterminer à partir des termes qui sont utilisés et de leur sens. D'accord? Donc, de dire une chose qui est haram, ou wajib, obligatoire, makruha, détestable, et ainsi de suite, ça va dépendre, en fait, du statut et des outils qui vont permettre aux juristes de déterminer en fonction des termes qui sont utilisés ou qui sont donnés, qu'est-ce que ce terme signifie. D'accord? Un exemple, par exemple, al-amru yadullu ala al-ujub. L'ordre indique l'obligation. Ça, c'est une règle aussi de usul al-fiqh. Ça veut dire que quand Allah dit quoi? Kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Là, on voit que le verbe, il est au passé, à l'impératif, al-amr. Donc, là, les savants, en voyant ce verset, vont dire qu'il est obligatoire le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est le mot qui est juste avant qui indique l'obligation. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? En fait, là, les termes qu'on est en train de dire, haram, ouais, comment ça s'appelle, interdit, recommandé, autorisé, détestable, haram, ce sont des statuts juridiques. D'accord? Ce sont des statuts juridiques. Et ces statuts juridiques, on ne le définit, ou du moins les gens de science le définissent, qu'en fonction de certains outils. On appelle ça des qawaid al-usuli, des règles de fondement ou de jurisprudence qui vont déterminer est-ce que ce statut-là ou cet acte-là est obligatoire. Et je vous ai donné un exemple par rapport aux jeûnes. Wallah, il dit « Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum ». Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit avant vous. Donc les gens, les juristes, qu'est-ce qu'ils vont voir pour déterminer et pour déterminer et expliquer aux musulmans le statut de la parole d'Allah par rapport à ce verset. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est détestable? Est-ce que c'est haram? Donc en fonction des éléments et de ce qui va être appliqué, ils vont déterminer que, vu que là le verset il commence par « Kutiba alaykum », donc il commence par l'impératif, c'est « Il vous a été prescrit ». Donc de là, on détermine, ou les savants ils vont déterminer que cet acte-là il est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans la règle al-amru, l'ordre yadullu ala al-ujub, l'ordre indique l'obligation. Ça c'est une règle de usul al-fiqh. Donc à chaque verset qu'on va lire, quand Allah il dit d'autres versets, bref, il se bouscule un peu dans ma tête. En tous les cas, tout ça pour vous dire que les règles juridiques, en fait, elles sont pas, on les détermine pas parce que nous on a lu, ouais t'as vu, c'est interdit ou c'est autorisé ou c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'il y a des termes en fait qui nous indiquent le statut juridique de la chose. Et là en l'occurrence, dans le chapitre des eaux, le cheikh il a dit yubahu isti'maluhu, il est autorisé l'utilisation des récipients, de tous les récipients, il est autorisé l'utilisation de tous les récipients, sauf l'or et l'argent. Donc, là, on voit que al-mubah, ça fait partie d'une des cinq caractéristiques ou des statuts juridiques qu'on connaît. C'est pas al-wajib, l'obligation, parce qu'on voit bien qu'il a parlé de mubah, c'est pas al-mustajab, c'est-à-dire recommandé, et c'est al-mubah, le troisième. Donc ça veut dire c'est l'autorisation. Donc là on voit dans ce qu'il vient de dire, c'est que c'est autorisé sauf pour l'or et l'argent. Donc là on est en train de voir des qawaid usuliyya, des règles juridiques. Ça, c'est du fiqh. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les savants, ils vont automatiquement appliquer ces règles-là. Parce que c'est à partir de là où on définit l'acte ou son statut, ou l'ordre de son statut. C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est préférable? Est-ce qu'il est recommandé? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'il est détestable? Ou est-ce qu'il est interdit? Parce que quand vous allez voir, bon, si Allah vous facilite, quand vous allez rentrer dans le fiqh, en usul le fiqh plutôt, parce que là c'est du fiqh, vous allez voir que ces cinq statuts, en fait, impliquent des choses. Al-wajibu, c'est la règle de l'ordre. Je vais vous donner juste un exemple. Al-wajibu, l'ordre, l'obligation, c'est yuthabu bifi'li wa yu'aqub ala tarkihi. C'est-à-dire celui qui, dans le wajib, ça, on veut dire, il est égal à quoi? C'est que c'est une obligation, le wajib. D'accord? L'obligation, c'est celui qui l'accomplit, il est récompensé, et celui qui le délaisse, il est châtié, ou il mérite le châtiment, ou il a un péché. D'accord? Deuxième, le mustahab, c'est celui qui l'applique, il est récompensé, celui qui le délaisse, il n'est pas châtié. Il n'a pas de péché. Troisième statut, le mubah. Celui qui le fait, il est récompensé, celui qui le délaisse, il est pareil, il n'a rien. Al-makruh, détestable, pareil. Ou al-haram, c'est autre. Celui qui le délaisse, il est récompensé, celui qui l'accomplit, il est châtié. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque point indique ou ça implique un jugement derrière. Vous voyez donc, l'ilm, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe. C'est pour ça que des fois, faut vraiment prendre, il faut être minutieux dans les avis. On s'applique des choses à nous-mêmes, ok. Maintenant, si c'est pour l'appliquer aux gens, si tu connais pas, il vaut mieux t'abstenir. Pardon. Wallahu a'lam. Donc al-ibahatu, l'autorisation, hiya takhayyiru bayna al-fi'li wa al-tarki. Fala yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha illa idha qarinat bin niyya. Donc voilà, il a donné un exemple en fait justement. Il a donné le statut fiqhi de l'ibaha, de l'autorisation. Ça veut dire tu veux autoriser, tu peux le faire. Ça veut dire que hiya takhayyiru bayna al-fi'li wa at-tarki. Il a le choix entre de le faire ou de pas le faire. Donc ça c'est attention, ne vous embrouillez pas. On parle de usul al-fiqh, mais c'est obligé parce qu'on est dans le fiqh au jour d'aujourd'hui, et pour comprendre le fiqh, on est obligé à un moment donné d'utiliser l'usul al-fiqh, al-qawa'id al-usuliyya, les règles du usul, pour comprendre justement pourquoi le cheikh il a dit, ou tel savant, ou les savants ont déterminé que son statut c'était ça. Donc forcément, on va voir certaines règles qui vont nous permettre de comprendre un peu la méthodologie, et de comprendre et de faire la distinction entre une chose qui est obligatoire, recommandée, détestable, autorisée et haram. Donc là, le statut de l'ibaha, c'est que la personne a le choix entre faire ou le délaisser. Et fala yuthabu ala fa'ili, celui qui accomplit, il n'est pas récompensé, et celui qui délaisse, il n'est pas châtié, sauf s'il a mis une niya, sauf s'il a mis l'intention. C'est-à-dire qu'il est récompensé s'il a mis l'intention de se rapprocher d'Allah, d'adorer Allah, de le faire pour Allah. Maintenant, celui qui délaisse, il a rien. Ni péché, ni désobéissance, ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention dans la pratique religieuse. Voilà, des fois on va dans des extrêmes et dans des choses parce qu'on pense avoir compris, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, daruratuha. Suratuha. Juste un instant, je suis en train de dire un exemple pour que ça soit beaucoup plus parlant. Suratuha rajulun tatayyaba wa wada'a at-tayyib 'ala jasadihi fa in wada'ahu iqtida'an bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ujira 'alayhi wa in wada'ahu liyaftina bihi an-nisa'i fa innahu yu'tham 'ala dhalik wa in lam yanwi hadha wa la dhak lam jar walam yu'tham. طيب. Donc là en fait, il a donné un exemple concret de ce qu'on vient de citer par rapport à la règle de la recommandation, de l'autorisation. sauf si c'est accompagné d'une intention dans le bien et dans le mauvais. Et là, il a donné un exemple. Par exemple, un exemple, hein, une personne, un individu, rajulun tatayyaba wa wada'a at-tayyib 'ala jasadihi. Il s'est parfumé et il a mis du parfum partout dans son corps et voilà, il s'est parfumé. Donc ça, c'est un cas. Donc si cette personne-là a fait cette action-là, c'est-à-dire qu'il s'est parfumé, il s'est embelli, tout ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et parce que c'était une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait toujours en fait du parfum avec lui, ou une fiole de parfum, et quand il rencontrait des gens, il allait rencontrer des gens, il rentrait chez lui, il mettait toujours du parfum. Donc, d'ailleurs, ça fait partie des parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les choses qu'il préférait de cette dunya, c'était le parfum, le rappel d'Allah, avant tout, bien sûr, le rappel d'Allah, le parfum et les femmes. Donc, là, celui qui fait ça avec l'intention de se rapprocher ou de faire par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est récompensé. C'est-à-dire que si son intention c'est de le faire et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ceci, il est récompensé. Le manger, c'est pas une adoration. Si je mets l'intention de manger en cherchant pour que Allah il me réponde, je me renforce pour adorer Allah, pour être fort et ainsi de suite, ben là je suis récompensé. Tu vois? Pourquoi? Parce que manger, j'ai mangé, mais j'ai mis une intention. Par exemple, pour dormir aussi, pareil, je vais dormir un peu plus tôt, ou ainsi de suite, mais je dors plutôt pour que je vais dormir plus tôt, pour que justement je puisse me lever tôt et que je sois en forme pour adorer Allah, pour jeûner, pour faire. Donc là, je suis récompensé dans mon sommeil, et sera récompensé, et ainsi de suite, dans toutes les actions qui sont autorisées. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez tous compris? Est-ce que vous avez compris? Posez des questions si vous ne comprenez pas, posez des questions parce que c'est le but. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc tout ça pour dire qu'il y a des ahkam taklifi, franchement, il y a tellement de choses, je sais pas, on a envie de tellement transmettre de choses, mais après, c'est le manque de temps et manque de moyens aussi. Mais ça, si on a le temps et qu'Allah nous facilite et qu'il y a une baraka dans ce qu'on est en train de faire, Inch'Allah, on verra un livre de Usul al-Fiqh, mais vraiment pour débutants, pour vous familiariser avec ces qawaid, des règles. Donc, là, on a donné donc un exemple sur ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que ça fait beaucoup. Non? On s'arrête là pour le faire, je pense, non? Mais juste, c'est un mal, كل آنية سواء كانت كبيرة أو صغيرة رخيصة أو ثمنية لأن كلمة كل من الألفاظ العموم قولوا إلا الذهب والفضة. On s'arrête là pour le faire. On continue. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. Parce que de toute façon, ce chapitre, il a l'air long. Participez les autres essayez d'être réactifs, mais ne pas de l'écoute. Et restez le plus concentré possible et prenez des notes. Parce qu'il y aura des questions. Inch'Allah. Alors. Ouais, il est long ce chapitre. إذا دبر إلى الإعاب قد طهر. Ouais, on va s'arrêter là parce qu'il est long. On va sûrement le faire en deux ou trois fois celui-là parce qu'il est vraiment long. Un chapitre de récipient. Bon, on s'arrête là, Inch'Allah. Ouais, il y a un quiz bientôt, Inch'Allah. Ouais. Oui, mais à l'écoute, oui, mais il faut. On verra, Inch'Allah. La récompense, ça sera. Ah oui, la récompense, Inch'Allah, oui. Inch'Allah, il y a une récompense, et une récompense, ça sera des livres. Des livres de ilm, bi'idnillah, qui, Inch'Allah, vous seront profitables. Mais par contre, ça sera des livres en arabe. Comme ça va vous pousser à apprendre l'arabe. Inch'Allah. Bon. Alors, on s'arrête là. On s'arrête là, Inch'Allah, pour Al-Babul Aniya. Oui, ça peut être aussi un dictionnaire. Par contre, le dictionnaire, c'est pareil, ce sera pas un dictionnaire arabe français. Ce sera un dictionnaire arabe. Ouais, parce que le but, c'est vous. Bah, franchement, le but, c'est que tout le monde soit autonome et que tout le monde ait les capacités et que demain, après, chacun puisse cheminer tranquillement et pouvoir se consacrer et il n'aura pas spécialement besoin d'être dans des groupes ou dans des centres, dans des instituts où ils nous enseignent l'islam de France ou l'islam républicain ou l'islam soumis ou l'islam de l'islam des Lumières. Bon, khair inshallah. Alors, on continue inshallah. Là, on va lire un livre de fiqh inshallah. Alhamdulillah, mashallah. Inshallah, wafaqak Allah, qu'Allah te facilite. Et franchement, si vraiment on devrait tous, autant qu'on est, moi comme à des niveaux différents bien sûr, se consacrer dans un domaine, ce serait la langue arabe et le Coran. Si on arrive à partir avec ces deux choses-là, de cette dunya-là, bien sûr, comme on avait vu là dans l'ibaha, dans la règle de l'ibaha, avec l'intention en fait, ces deux sciences-là, avec l'intention d'étudier la science d'Allah, et surtout celle qui est rattachée à Allah, al-tawhid, al-aqida et al-fiqh, et ainsi de suite. Bah, celui qui meurt même sans les avoir appris, ou sans avoir appris, bah, ça veut dire les sciences religieuses, mais qu'il a appris l'arabe et le Coran, bah, il sera récompensé. Donc, vous voyez, l'intention est très, très, très importante. D'ailleurs, on l'a vu. On va sûrement le revoir à chaque fois, à chaque début de livre, parce que les savants tous commencent par ce hadith-là. Mais c'est très important, l'intention. Donc, c'est une chose que, dans laquelle je pouvais vous recommander. Tout, c'est ce que je fais de toute façon, c'est la langue arabe. La langue arabe. Voilà, donc on continue. Hier, on s'était arrêté. Alors, là on est en train de faire un livre pareil, du même Cheikh Wahed Abdissal Bali, et qui s'appelle Al-Hidayatu Rashida Sharhu Al-Bidayatu Fil Aqida. Donc, le livre, vous avez la photo normalement. Tout le monde a la photo. Enfin, je ne sais pas hein, si la photo a dit. En tout cas, le livre il s'appelle Al-Bidayatu. Al-Hidayatu Rashida Sharh Al-Bidayatu Fil Aqida. C'est un livre vraiment pour les débutants. Donc, là on est encore dans le chapitre, ou du moins dans le tamhid, dans l'introduction ou dans le préambule. D'accord ? Maintenant, on avait vu. Qu'est-ce qu'on avait vu hier pour ceux qui étaient présents? Non, c'est de la croyance. La aqida, c'est de la croyance. C'est les fondements. Fondements de la religion. Donc dernièrement, hein, les fondements de la prédication. Fiche. Pas compris. Ah oui, d'accord, toi tu réponds à oui. Oui. Le fondement de la prédication des messages, oui, par les prophètes. Non, mais c'est ça. C'est du fiqh, et on a fait. C'est de la aqida, c'est du dogme. Et dernièrement, bon, pour ceux qui étaient là avant, on avait fait d'autres livres. Et le dernier livre qu'on a fait, c'est Usul al-Thalatha, les trois fondements. Donc là, on a fait. On est en train de faire Sharh al-Hidayatu al-Rashida, donc ce livre-là. Et ensuite, de toute façon, je vais vous la faire la photo après, même si ça n'en fait pas que foutre, hein, mais le prochain livre, c'est Kitab al-Tawhid. Du même chien. Autant qu'à faire l'explication. Alors, effectivement, les fondements de la prédication des messages, et justement, oui, par les prophètes, effectivement, et donc la question, c'était, ou la question que je vais poser, c'est quel est le fondement ou le point commun entre tous les prophètes. Ouais, mais dans le da'wah, donc da'wah ila tawhid, exactement. Mais c'était d'Allah, effectivement, c'est ça. Donc tous les prophètes depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus tous avec voilà ce message là. Et on a vu des hadiths, et des versets. Le dernier hadith, on a vu. Et le dernier verset aussi, c'est وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا شْمِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ et à chacun de vous nous donner un minhaj et une législation. اوكي. غاية الخلق الجن والإنس أجمعين. Là, maintenant, nous allons voir l'objectif, pourquoi Allah a créé les djinns et les êtres humains. Pourquoi Allah commence par les djinns à chaque fois, avant les êtres humains? Parce qu'ils ont été créés en premier. C'était la première création. Enfin, la première création, on va dire, par rapport à nous, parce qu'il y a d'autres avis, qu'avant les djinns, il y avait aussi notre création. En tous les cas, c'est ce qui est rapporté dans l'imam, dans le livre de Al-Bidayah wa Al-Nihaya de l'imam Ibn Kathir, qui a rapporté ça dans, dans son premier tome, où il a parlé de l'Hin wal-Bin. Al-Hin wal-Bin, ce sont soi-disant deux autres créations qui ont été créées avant les djinns. Voilà. Donc effectivement, pourquoi Allah a, on commence par les djinns avant les djinns? Parce qu'ils ont été créés avant. Donc, cette création, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, ça, c'est un, si je leur transmets un message, même si je sais qu'ils nous écoutent, hein, ils participent pour certains au cours, je sais pas, peut-être qu'il y en a ceux qui sont musulmans, peut-être qu'il y en a qui vont le devenir, Allah Adam. En tous les cas, du fait qu'on a été créé, en fait, ils ont eu, et qu'on a été envoyé sur Terre, enfin, on a été, on est sur Terre, et ainsi de suite. Ils croient que nous sommes des envahisseurs et qu'on les, on les a chassés de leur monde, ou de, on est en train de, on a voulu, jusqu'à maintenant, s'accaparer ce monde. C'est pour ça qu'on a une certaine vengeance de leur part. Entre autres, hein. C'est pas que, mais entre autres. فَإِنَّ الْحِكْمَةَ مِنَ الْخَلَقَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ هِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ. Donc la sagesse, pourquoi Allah a créé les djinns et les hommes, c'est pour l'adorer lui seul. Donc c'est pas pour aller faire des longues études, ou pour avoir beaucoup d'argent, ou s'accaparer des terres, ou devenir président, ou docteur, ou architecte, ou médecin, ou conférencier, ou savant, ou prédicateur, ou ce que vous voulez, d'accord ? On a été créé pour adorer Dieu, un point, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, après, avoir une particularité, un domaine dans lequel on veut, on veut exercer, qu'on veut travailler, qu'on veut faire, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit que l'objet, notre temps, d'une manière générale, notre vie, n'est pas orientée vers Allah, là, on est vraiment à côté de la plaque. On est à côté de la plaque par rapport à l'objectif de notre création. Donc, on voit très bien après que beaucoup de gens sont malades, des malades psychologiques, des maladies mentales, ou maladies du cœur, ou maladies du corps, ou maladies de plein de choses. Et c'est parce qu'en fait, on n'est pas du tout en accord avec le pourquoi du comment de notre présence sur Terre. Et que limite, des fois, est-ce que c'est le cas ou pas, mais je pense que maintenant c'est de moins en moins le cas, les gens ne se posent même plus la question. Ils ne se posent même plus ces questions existentielles. Qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, est-ce que j'ai un rôle, est-ce que je vais rendre des comptes, est-ce que je vais être questionné sur tout ça, est-ce que je vais retourner vers quelque part, est-ce que. On ne se pose même plus les questions, ces questions-là. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. La majorité de la préoccupation des êtres humains, c'est pas de qu'est-ce qu'Allah pense de moi? Est-ce que je suis musulman concrètement? C'est-à-dire par rapport à ce qu'Allah a déterminé, pas par rapport à moi ce que je prétends. Tout le monde prétend être musulman, aimer Dieu. D'accord? Mais comme il disait l'imam Ibn Qayyim, l'objectif, on va dire le but de l'être humain, c'est pas de dire j'aime Dieu, parce que tout le monde l'aime, c'est de savoir est-ce que lui il t'aime. C'est la vraie question qu'on devrait se poser, est-ce qu'Allah m'aime? Et pour ce faire, il faut se poser les bonnes questions. Et une fois que tu vas te poser les bonnes questions, tu verras que tu n'auras pas les réponses, il faut aller les chercher dans le Coran et dans la Sunna. Et tu verras ce qu'Allah il aime, ce qu'Allah il déteste, et tu te verras toi à ce niveau-là où est-ce que tu en es. Et là tu auras ta réponse. Donc voilà pourquoi on a été créé. Et le verset est dans la parole d'Allah où il dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Alors, verset 56. Donc là, c'était l'objectif ou la finalité de la création des hommes et des djinns. Donc une fois que le musulman il est en train de cheminer vers son créateur et que son objectif principal, c'est lui, et c'est de s'améliorer et de se corriger. Parce que finalement, c'est l'objectif de toute sa vie, hein. C'est pas d'évoluer, de faire des formations, des stages, de faire des missions par-ci par-là pour avoir bon, en tous les cas, c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce que la majorité des gens font. Par contre, au niveau regard d'Allah, c'est pas grave. Allahu Ghafur Rahim. Donc on est complètement, malheureusement, il y a des circonstances qui font que, mais on ne sait pas non plus les causes. Sixième point, Amin. Sixième point, c'est Man huwa wadi'u al-ilm al-aqida. Qui est, je vais vous poser une question à tout temps, et barakallahu fikoum de répondre. Je sais que personne n'aura la réponse, donc je me permets, les sœurs, malheureusement, encore une fois, les frères, franchement, ils font. Je vais instituer la science de la croyance. Celui qui donne la bonne réponse, Inch'Allah, il a un livre. Et vous avez le droit qu'à une réponse chacune, parce qu'après, faut qu'on avance aussi, hein. Mais c'est pas grave, comme ça, ça va vous donner un peu plus, de connaissances, parce qu'en fait, là, quand je vous dis ça, en fait, ça va vous agacer dans votre, ça va déclencher un truc dans votre esprit, et du coup, dès que vous aurez la réponse, c'est enregistré la réponse, Inch'Allah. Donc c'est un bon exercice, Inch'Allah. Qui est-ce qui a institué et qui a codifié la science de la croyance? Effectivement, c'est Allah. Non, dis Alhamdulillah, ma sœur. C'est grâce à Allah, c'est Allah qui t'a aidé, ma sœur. Alhamdulillah. Effectivement, c'est Allah. Parce que où est-ce qu'on a puisé cette science? Dans le Coran, tout simplement. Parce que c'est pas difficile. Exactement. Faut pas aller trop loin. À un moment donné, c'est juste une question de, voilà. Et alhamdulillah, c'est Allah. C'est Allah. Alhamdulillah, en tous les cas, c'est avec plaisir. Vu que tu as remporté la première question quiz. Non, alhamdulillah. Non, jamais. Au contraire. Parce que maintenant, vous allez voir que c'est enregistré. Je sais que bi'idhnillahu ta'ala, dans quelques jours, voire dans quelques semaines, je vous reposerai la question, vous allez donner à tous la réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va dire on a marqué le coup. D'accord? Donc, tu choisis, hein. Inch'Allah, t'en auras deux, bi'idhnillah. Parce que, voilà, Inch'Allah, c'est... Effectivement, je m'attendais pas. Inch'Allah, khair. Donc, deux livres. Si tu veux cela, donc tu auras celui-là donc sur la croyance déjà, et sur les évocations, ceux qu'on a par lequel on a commencé, Inch'Allah. Ça fait un peu trop lourd. Et comme j'ai dit, vu que on est déjà, oui, c'est Sahih al-Bukhari, il fait pas mal de tomes. Et après, bon, encore une fois, pour celui qui veut partir. Ce sera pas évident de porter tous ces livres. Alors, Inch'Allah, on continue. Alors, effectivement, ilm al-aqida tanzil min rabbil alamin nazala biha ar-ruh al-amin ala an-nabiy al-amin maintenant puis sur son téléphone. Ouais, non, mais j'en ai sur oui, non, Bidaya ou Nihaya, c'est pareil. Ça, c'est des livres en tous les cas que je vous conseille. C'est des livres, c'est chacun doit avoir sa propre bibliothèque. Ça, c'est des livres de recherche quelque part. C'est pas que de la lecture en fait, parce que dedans en fait c'est une source considérable d'informations, de noms, de chouyours, de livres, de dans tous les domaines. C'est vraiment mashallah. Que ce soit Al-Bidaya wa Nihaya, Siyar A'lam al-Nubala, Fath al-Bari, plein d'autres livres qui sont en plusieurs tomes. Lisan al-Arab qui fait au moins presque une trentaine de tomes dans la langue arabe. Voilà. Bref, oui. Alors, l'ilm al-aqida a été, la science de la croyance a été descendue par Allah, le Seigneur des univers, qui l'a descendue à travers Jibril alayhi salam, qui on l'appelle Ar-Ruh al-Amin. D'accord, je vais pas le traduire parce que encore une fois ça va dénaturer le sens. Ar-Ruh al-Amin, donc c'est Jibril alayhi salam qui l'a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Amin aussi. Liyabloura lilnasi ajma'in, afin qu'il la transmette à l'ensemble des gens. Wastambata taqsimatuha al-a'immat al-fuhul kal-imam Abi Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa ghayrihim. Wastambata taqsimatuha, et il a été détruit, on va dire, à travers le Coran et la Sunna, elle a été, comment ça s'appelle, étudier istambata, c'est de déduire en fait des ces règles de la croyance du Coran et de la Sunna par les plus grands, les plus érudits, les plus éminents savants ou imams de cette communauté, qui sont Abu Hanifa le premier, ensuite l'imam Malik deuxième, ensuite l'imam Shafi'i troisième, et ensuite l'imam Ahmed quatrième, wa ghayrihim. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'en fait il n'y a pas que ces quatre écoles qui existent, elles sont répandues et c'est les plus connues au jour d'aujourd'hui, mais il n'y a pas que eux. Et la preuve, c'est ce que le cheikh dit, wa ghayrihim, et d'autres que. Sabi'an, min ayna yustamad ilm al-aqida madatuhu. Ah oui, de quoi ou de quelle source ou de quel contenu nous tirons la science de l'aqida? Question. Je pense que vous allez pouvoir répondre. Donc il n'y aura pas de. Tu n'auras pas de récompense cette fois-ci. De quoi tire-t-on la science ou de quel outil tire-t-on la science de l'aqida? Les outils. Je parle des outils, oui. De quoi ou d'où tire-t-on la science de l'aqida? Le Coran et la Sunna, tout simplement. Non, le Coran et la Sunna. C'est une question en fait qui revient un peu à ce qu'on vient de dire juste avant. La science de l'aqida, c'est Allah qui l'a descendu, donc forcément elle se trouve dans le Coran. Et dans la Sunna aussi, automatiquement, parce que le prophète, la Sunna, explique le Coran. Donc forcément, c'est ces deux sources-là, principales et les seules sources de la croyance. Ni un savant, ni les compagnons, ni les savants, ni les gens au jour d'aujourd'hui n'ont le droit, la légitimité de déduire ou d'amener ou d'introduire des règles dans la croyance en dehors de ces deux sources-là. C'est lui qui le fait, c'est un égaré. Bref, donc ensuite on continue. Wala majal lil'aql fiha. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au l'aql, le cerveau ou l'esprit, il n'a aucune place là-dedans. D'accord? J'ai dit, là le cerveau, l'esprit, la réflexion n'a aucune place dans le domaine de l'aqida. C'est pas ouais, mais comment ça se fait que il y a pas, c'est comme ça et un point c'est tout. Donc c'est à toi de corriger, de faire des réglages, de resserrer les boulons, de desserrer certains boulons dans ton cerveau. Mais le problème, il vient pas des textes, il vient de ton cerveau. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, cette science, en fait, va permettre à notre esprit, à nos esprits, de dorénavant déterminer et de définir les choses clairement et sainement. Pourquoi? Parce que la science d'Allah est une lumière. Et cette lumière, quand elle va s'inscrire dans votre esprit, elle va détruire, encore une fois, les ténèbres qui peuvent y avoir, qui sont à travers les ambiguïtés, la mauvaise compréhension, l'interprétation, bien sûr, qui vient aussi des shayatines et des wasawis. وعلى هذا يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. Et c'est pour ceci qu'il est obligatoire à chacun de s'arrêter ce sur quoi le Coran et la Sunna s'est arrêté. Il n'est permis à qui que ce soit de rajouter ou d'enlever. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, tout ça pourquoi? Pour comprendre qu'aujourd'hui, les prédicateurs qu'on a, ce sont soit des manipulateurs, soit des gens qui sont ignorants, soit des gens qui ont un objectif derrière, je sais pas, terrestre, mondain, financier, matériel, peu importe, mais il y a un problème quelque part, parce que ces sources-là, on ne les invente pas. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات. Pourquoi, entre autres, parce que le cerveau ou l'esprit n'a pas la capacité à cerner la science d'Allah ou ce qu'Allah a voulu dire quand il s'est attribué ou dans l'attribution des noms et des attributs. D'accord ? Il nous est obligatoire de s'arrêter au texte. On n'interprète pas les textes. Enfin, quand il y a interprétation du prophète ou des compagnons, oui. Mais si on n'a pas de trace de leur part, on n'interprète pas, on s'arrête où ils se sont arrêtés. Parce que si on aurait pu développer, je pense qu'ils auraient été les premiers à développer. Donc si on n'a pas d'information à ce niveau-là, mais concernant les noms et les attributs d'Allah, ou ce qu'Allah s'est attribué, c'est qu'il faut s'arrêter là. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم ne dépasse pas ou ne va pas plus loin que ce que tu ne peux cerner de ta science, de la science. Ensuite, inna sam'a, le l'ouïe, ou al basar, la vue, ou al fu'ad, comment traduire al fu'ad? Al fu'ad, excusez-moi, juste un petit instant. Inna sam'a, ou al basar, ou al fu'ad, je juste quelques instants et je retraduirai ce mot-là, al fu'ad. Le temps de continuer, ça va me revenir, inshallah. Donc, la vue, al-fu'ad. Je sais pas si c'est le cœur. Oui, mais on va voir après, inshallah, je vais le chercher. Ou celui qui a, s'il y a quelqu'un qui a un peu de temps ou qui a un dictionnaire à portée de main, qui regarde, inshallah. Wal-fu'ad, inshallah, khair. Wal-fu'ad, kan anhu, kull ulai kan anhu mas'oula. Tous ces membres, ces parties-là seront questionnés auprès d'Allah. Tout ceci sera ou est questionné ou sera questionné le jour du Le Fouad, de toutes les façons, avant de finir, Inch'Allah, on va le traduire. En tous les cas, c'est forcément, ça fait partie d'un des membres, parce que Allah, il parle de membres, il parle de lui, de la vue. C'est possible que ce soit le cœur ou l'esprit, en fait. C'est pour ça que je sais pas, en fait. C'est entre les deux. Enfin, le Fouad, ça va pas être le visage, en soi. Parce que là, en fait, Allah, il parle de certaines actions des sens. Donc, ouais, c'est le cœur, alors. C'est ça. Le Fouad. Donc c'est le cœur ou voilà, c'était le cœur ou l'esprit, parce qu'en fait c'est deux matières qui ont un impact, enfin qui ont une capacité à faire des choses. C'est-à-dire que le cœur, bah c'est là où c'est le réceptacle de l'être humain, c'est là où toutes les émotions et toute son adoration, enfin tout est renfermé et dans le cœur, ou sinon c'est l'esprit. Parce qu'en fait là, il est question justement de ne pas comment ça s'appelle, qu'Allah il va nous questionner sur ça. Pourquoi? Parce que c'est une action. Notre sem, notre oui, des fois elle entend des choses interdites. Donc on va être questionné sur ça. Ou le basar, la vue aussi pareil, elle voit des fois des choses interdites. Elle sera questionnée sur ça. Pareil pour notre aql ou notre cœur, comme là apparemment c'est le fouad, le cœur. Allahu a'lam. Barakallahu fik ukhti Oum Souhayn et toutes les sœurs qui ont participé ou qui aident, inchallah. Alors, ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقبل بمعرفة تفاصيل ذلك بعث الله رسل ورسله وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة ولما كان غير ممكن et qui n'est pas possible au comment on appelle ça, à l'esprit, un testaqal bima'rifati, qui ne peut en fait cerner et comprendre en fait tous ces termes là ou tout ce qu'Allah a déterminé, bima'rifati tafasil dhalik ba'atha, donc vu qu'il n'était pas capable ou il n'est pas capable de comprendre tout ça de lui-même, c'est pour ça qu'Allah a envoyé des prophètes et a envoyé des livres avec. Pourquoi? وَبَيَانِهِ وَتَفْصِيلِهِ, afin d'éclaircir, de démontrer et de détailler aux gens, حَتَّى يَقُومُوا بِعِبَادَةِ اللَّهِ, jusqu'à, de détailler aux gens tous ces points-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent et qu'ils peuvent, ou enfin qu'ils comprennent et qu'ils puissent cheminer et adorer Allah avec science et clairvoyance. Ça va, c'est compris? وَأَسَاسٍ وَاضِحَةٍ, avec des fondations claires, explicites. Wadu'aim qawimatin. Wadu'aim wada'aim qawimatin. Un instant, excusez-moi. السابع رسول الله على تبليغه وتوالى في بيانه كما قال سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Donc là il parle de l'adoration. Si le son il est pas très clair, n'hésitez pas à m'arrêter. فتتاح باع رسول الله على تبليغه. Et c'est pour ça que c'est le travail, l'objectif ou l'essentiel du travail des prophètes, l'essentiel de la da'wa des prophètes, ça a été de transmettre justement toutes ces choses concernant Allah et l'être humain, afin qu'il sache sa position et qu'il sache comment adorer Allah à travers cette méthodologie qu'il a transmise dans son livre et à travers les prophètes. وَتَوَالَوْ فِي بَيَانِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Et il n'y a pas de communauté sans que nous ayons laisser un guide, un prophète, un annonciateur. Annonciateur, comme il avait dit, l'enseignement principal des prophètes, Moubashirin wa Mundirin, annonciateurs et avertisseurs. Donc là, on a dit qu'il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une communauté où Allah n'a pas laissé un prophète. Comment se matérialiser Allah dans son esprit? Comment comprendre les différents noms et les attributs d'Allah? À travers quoi l'adorer, cheminer? Quels sont les types d'adoration? Et ainsi de suite. C'est pour ça que les prophètes, leur fonction de base, c'est d'expliciter et d'éclaircir aux gens la manière dont on adore Allah. La preuve, c'est que eux, quand ils étaient, ils ont été envoyés, eux-mêmes adoraient Allah. Eux-mêmes étaient éprouvés. Donc en fait, ils étaient un modèle et un exemple à tous les niveaux, d'un point de vue adoration, d'un point de vue aussi ce qu'ils vivaient comme les êtres humains. Pour certains, leurs parents étaient mécréants. Ils ont eu beaucoup de torts, ils ont été combattus, ils ont été chassés, ils ont été tués. Tout ça pour comprendre que, malgré tout, voilà la voie qu'ils ont suivie, voilà comment ils définissaient Allah, voilà comment ils se soumettaient à Allah, et voilà donc le chemin que les gens doivent suivre. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikoum, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste encore un chapitre, finir l'introduction. Non, c'est des cas, je pense qu'on va finir. Il reste que 2-3 phrases et après on va passer au début du livre. Le premier chapitre qui est المتن جدي لا لير rapidement pour voir si c'est important mais je pense pas qu'on va la lire peut-être العقيده ouais je sais pas on verra si c'est nécessaire de la lire je vais essayer de la feuilleter rapidement les prochaines pages on va vraiment ou le faire ou la passer directement donc ثامنا ما حكم تعليم علم العقيده 8e point le statut de l'apprentissage de la science de la croyance. حكم تعليم علم العقيدة منهم ما هو فرض عين ومنهم ما هو فرض كفاية. La science, le statut de la science, de l'apprentissage de la science religieuse, parmi cette science de l'aqida, il y a une partie qui est obligatoire, qui est une science obligatoire à chaque individu, donc à chaque musulman, et une autre partie qui est فرض كفاية, qui est une obligation. L'obligation pour une partie de la communauté. Amma fardu l'ayn, là on va voir le premier, et l'obligation pour chaque individu. Ma'rifatu ma tasahha bihi al-aqidati bil-adillati al-ijmaliyya wa huwa ma yus'al anhu jami' al-khalq. La première des choses, c'est la science qui est obligatoire à chacun. Et quelle est cette science? C'est فَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا تَصَحَّ بِهِ الْعَقِيدَ. C'est ce qui a été connu et authentifié dans la croyance avec les preuves d'une manière générale. وَهِيَ مَا يُسْأَلْ عَنْهُ جَمِعَ الْخَلْقِ. Et c'est sur ceci que l'ensemble de la création sera questionné. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les trois fondements. C'est exactement le même objectif. Écrit différemment, mais c'est le même objectif. C'est des sujets qui sont rattachés directement à ce que le musulman doit apprendre et doit comprendre et doit connaître et doit pratiquer. Et c'est sur ceci qu'il sera questionné Yom Al-Qiyam. Bien sûr, avant tout dans sa tombe. Ça va, c'est clair? Et la science qui est pour une partie de la communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie de la communauté qui est à qui elle est obligatoire, pas pour le reste. فما زاد على ذلك من من التفصيل والتدليل. والتعليل والقدرة على إلزام المعاندين وإفحام المخالفين. Vous pouvez répondre les autres aussi, hein. Je vous pose des questions, c'est pour voir est-ce que c'est compris ou c'est pas compris. Alors, la deuxième science, c'est une science qui est obligatoire que pour une partie de la communauté, famazad ala dhalik min tafsil, et qui va demander, on va dire, plus de précision et d'approfondissement et de recherche et d'investigation des textes, des règles, des codes, ainsi de suite, afin de القدرة على إلزام المعاندين وإحفام المخالفين. Afin, entre autres, bien sûr, d'éclairer la communauté sur leurs obligations et sur les sujets qui sont rattachés à leur religion, qui ne sont pas, savants dans la matière. Comme par exemple, est-ce qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre les règles du partage, de l'héritage? Non, c'est pas une obligation, parce que c'est pas obligatoire qu'on va hériter ou qu'on va faire hériter. Donc c'est pas une science obligatoire. Par contre, elle est obligatoire pour l'ensemble. C'est un sujet qui doit être étudié pour l'ensemble de la communauté, parce que certaines personnes vont se retrouver dans cette situation-là. Donc il y a une partie de gens parmi les savants, les prédicateurs et les enseignants et ainsi de suite qui vont devoir apprendre cette science, et elle va être obligatoire. Ou du moins cette science-là sera obligatoire à partir du moment où personne ne s'est chargé de cette science-là. Par exemple, je sais pas mal, la science, une science qui n'a pas été développée comme, par exemple au jour d'aujourd'hui, la science de l'waqi'a, de la situation dans laquelle on vit, qui s'appelle ilm al-waqi'a, la science du moment, si vous voulez, de la situation de l'époque. Étant donné que la communauté en a besoin pour comprendre qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on va, quelle direction il faut prendre, et ainsi de suite, quel choix il faut faire, il faut que une partie de la communauté se décharge de cette science et apprenne, comprenne, développe, détaille, codifie et puisse transmettre à la communauté musulmane. Et afin aussi de réfuter al-mu'anidin, les détracteurs, les menteurs, les hypocrites, les mécréants, les apostats et ceux qui sont en opposition. وحكم التعليم علم العقيدة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. Donc c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que la science de l'ilm al-aqida, d'une manière générale, elle est aussi il y a une partie qui n'est pas obligatoire, on l'appelle la fard kifaya, c'est celle qui s'appelle fardun kifaya. Il y a la première qui est fardun ayn, deuxième c'est fardun kifaya. Idha qama bihi man yakfi, s'il y a une partie de la communauté qui s'en décharge, l'autre partie est exempte, ou exemptée. Voilà. C'est exactement ce que je venais de dire. Et, c'est fini pour l'introduction. Inch'Allah. J'espère que ça a été profitable, que ça vous a permis d'éclaircir un peu ou d'ouvrir un peu votre esprit pour pouvoir justement maintenant pour qu'on puisse rentrer dans le livre et dans le vif du sujet. Barakallahu fikum, alhamdulillah. Donc si c'est compris, jazakumullahu khair. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من هديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلما تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. إن شاء الله تعالى on essaiera de faire le cours bi'innillah le mercredi déjà pour les toulab. On va essayer de reprendre. Je suis vraiment désolé. Et le jeudi aussi, inshallah, on essaiera de respecter tout ça. Barakallahu fikoum les sœurs et à très bientôt, inshallah. Waffaqakoum Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.